La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'éthique est-elle aussi une affaire de logique ? La logique a la réputation d'être froide, rigoureuse, objective, formelle, presque inhumaine. L'éthique, elle, semble tout le contraire. Elle est difficile à formaliser une bonne fois pour toutes, elle est mal définie, subjective, en partie culturelle, parfois illogique, soucieuse d'humanité et de l'humanité. On ne voit donc pas bien ce que la logique pourrait apporter à l'éthique. Comment même ces deux ordres de pensée pourraient se parler ? Reste que sous la pression des avancées de la médecine et des techniques médicales, l'éthique doit aujourd'hui relever un défi que la juriste Mireille Intelmas-Marty a ainsi défini. Trouver un juste milieu, un milieu juste, entre les deux pôles suivants qui sont à éviter. Premier pôle à éviter, interdire toute intervention biologique d'origine humaine au motif que la nature sait mieux que nous ce qui est conforme au bien. C'est l'idée, en somme, que tout ce qui est contraire à la nature serait nécessairement inhumain. Second pôle à éviter, l'inverse du premier, considérer que tout ce qui est possible doit être permis, c'est l'idée que les innovations biotechnologiques sont inévitables et qu'il serait vain de s'y opposer. Autrement dit, conclut Mireille Delmas-Marty, il reste à trouver le critère qui relie l'hominisation et le souci de survie de l'espèce à l'humanisation et au respect de la dignité humaine. Est-il bien certain qu'en la matière, c'est-à-dire pour trouver ce critère, la logique ne pourrait pas nous être un peu utile ? Par exemple, en nous aidant à nous défaire de certaines crampes mentales. Pour traiter cette délicate question, j'ai le plaisir de recevoir Ali Ben Makhlouf. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre qui répond très explicitement et très longuement à la question. Il s'intitule « La force des raisons ». Son sous-titre est « Logique et médecine ». On est donc dans notre sujet. Mais je voulais, avant de vous interroger sur ce que vous dites dans ce livre, vous interroger sur un autre livre que vous avez publié qui s'appelle « La conversation ». Comme manière de vivre. C'est cela. Comme cette émission s'appelle La conversation scientifique, j'aimerais savoir ce que vous dites dans ce livre que je n'ai pas lu. Oui, La conversation comme manière de vivre, c'était de distinguer ce mode de discursivité des modes de la controverse, de même du dialogue, et d'insister sur sous l'égide de Montaigne, en quelque sorte, sur le fait que la conversation constitue le sel même et le socle même de la civilité. Et à partir de là, moi j'étais plus attentif à tout ce qui fait les aspects extérieurs à la communication verbale, c'est-à-dire les gestes, les positions, les postures, les apartés, les agencements spatiaux, les regards, et la voix bien évidemment. Et donc j'ai invité tous ces éléments non strictement langagiers et discursifs dans la conversation, et en insistant là-dessus, j'ai rencontré en quelque sorte et voulu rendre compte de la vie sous les mots et pas simplement dans les mots. Est-ce que la conversation procède de ce que Bergson appelait la politesse de l'esprit ? Ah, on peut tout contrairement à, fait... à la controverse, par exemple. On peut tout à fait dire cela. Et pour Montaigne, elle évitait deux dangers la sottise et la colère. C'est-à-dire qu'il faut jamais perdre son sang-froid, et donc on n'est jamais dans les positions tranchées, ni dans les tranchées, si je puis dire. Et on converse précisément pour exercer son esprit beaucoup plus que pour emporter le morceau. Et cet exercice de l'esprit évite en quelque sorte la sottise qui, comme disait Flaubert, va hâter notre fin, et évite la colère, c'est-à-dire que si vous me contredisez, dit Montaigne, eh bien vous suscitez mon attention plutôt que vous ne me mettez en colère. Et cette idée que l'attention vienne en lieu et place de la colère, pour moi c'est véritablement le propre de la conversation. Et si l'attention est première, et si on converse pour exercer son esprit, eh bien ma foi, on est dans la civilité. Je vous propose à Ali Ben Makhlouf que nous suivons cette ligne. D'accord. Pendant l'heure qui vient, nous allons converser. Oui. Et avant d'entrer dans le sujet, je voudrais dire mon étonnement quand je vois ce que vous avez écrit, vos sujets d'intérêt. Vous êtes un spécialiste de Montaigne, oui, que vous venez de citer, et vous êtes également un spécialiste de Frege, Russell, Wittgenstein, qui sont des logiciens purs. Oui, tout à fait. Et dont on voit pas très bien quel lien philosophique qu'il pourrait avoir avec Montaigne. Or, vous, ça veut dire, est-ce que vous êtes un philosophe, deux philosophes ou deux moitiés de philosophes? Je ne sais pas vraiment ce que je suis, mais ce que je peux dire, c'est que Montaigne, c'est un véritable souci de la grammaire et de la philosophie du langage. Et moi, je suis entré en philosophie de la logique par le biais de la philosophie du langage, que effectivement Frege et Russell... Russell cite d'ailleurs Montaigne à un certain moment en disant, voilà, Montaigne, c'est le grand respect des faits, c'est ce qu'on attribue à ce sceptique empiriste qu'est Montaigne. Et ce scepticisme et cet empirisme, ça va très très bien avec la logique. D'ailleurs, c'est ce que je défends dans mon l'ouvrage, la logique et médecine, la force des raisons. Je défends la possibilité d'une tradition sceptique et empiriste en logique même, alors qu'il est vrai qu'on peut penser que la logique s'éloigne du scepticisme et s'éloigne de l'empirisme en raison de son engagement fortement théorique. Oui. Ah, c'est tellement vrai que votre première phrase est une citation de Proust. Oui, voilà. Qui dit ceci, « J'ai toujours honoré ceux qui défendent la grammaire et la logique. On se rend compte 50 ans après qu'ils ont conjuré de grands périls. » Voilà. Alors 50 ans après, il faisait allusion à quoi? Je pense que c'est l'immédiateté d'un souci de logique qui semble toujours un peu trop abstrait. C'est-à-dire qu'on se dit, mais il faut s'occuper tout de suite de notre actualité. Pourquoi vous êtes en train de faire attention à ce qu'est une désignation, une signification, une connotation, une dénotation? Vous voyez bien que c'est pas l'urgence. Et en fait, ce qu'il veut montrer, c'est qu'après 50 ans, on se rend compte que c'est si on avait précisément aborder les urgences pas par des distinctions sémantiques, eh bien on aurait évité beaucoup de périls. Mais ça veut dire qu'en disant mal les choses, on les pense mal ? Certainement. Regardez le fameux Brexit. On dit que en français c'est oui ou non rester dans la communauté européenne, alors que la question qui a été posée aux Britanniques, ça a été plutôt de dire leave or remain. Et remain, il y a quelque chose de statique, alors que leave, partir, c'est vous offrez tout de suite le rêve que n'offre pas le mot non. Et dans mon ouvrage justement, j'insiste beaucoup sur la traduction qui signe complètement l'échec de la synonymie. On peut pas dire que oui et non, c'est la même chose que remain or leave. Rester ça veut dire que la traduction partir est impossible, d'une certaine façon. Ah non, c'est pas du tout cela. Ça veut dire que la traduction ouvre à la compréhension. C'est-à-dire que plus vous traduisez, plus vous vous rendez compte que il y a des choses à comprendre et pas simplement à télescoper dans un sens unique qui serait précisément un étalement de la langue par-delà la diversité. En fait, vous n'entrez vers la compréhension que parce que vous traduisez. Et cette traduction, ben voilà, comme je disais, ça met complètement en échec la synonymie. Dans mon ouvrage, j'insiste beaucoup sur cet échec de la synonymie par la tradition logique de Quine. Il n'y a pas un pouvoir intentionnel derrière les mots. Les mots ne viennent pas barder de leur signification en vous disant, bon, maintenant, vous allez me transposer dans une autre langue et vous allez retrouver la même chose. Il n'y a pas ce pouvoir intentionnel. Et il y a les occurrences, le moment, qu'est-ce qui fait que vous dites cela à tel moment. Quand vous dites célibataire, vous dites pas non marié. Et finalement, vous télescopez complètement tout en disant ben, c'est la même chose, c'est la même signification. Et cette idée de même signification, c'est vraiment le grain de sable qui vient complètement compliquer la machine linguistique. Alors, avant Proust, vous citez Montaigne qui dit à peu près la même chose. C'est une phrase que je trouve incroyable. Hein. Il dit « La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes. » Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que comment vous fixez vos contrats, comment vous fixez votre virgule, est-ce que vous mettez « et », est-ce que vous mettez « mais », est-ce que vous mettez… Voilà, et tous ces mots-là, regardez, au niveau de la médecine, quand j'ai coordonné l'avis sur le don d'organes… Je n'ai pas précisé, excusez-moi, que vous êtes encore membre… Non, j'ai fait mes deux mandats. Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Exact, et donc quand j'étais précisément… membre du comité, j'ai coordonné avec le néphrologue Bertrand Veil un avis sur le don d'organes. Et vous allez voir combien les mots sont importants. La mort Eh bien, ça se définit pas pour le législateur. Ça se constate. Et ça, c'est les juristes qui ont beaucoup insisté là-dessus. Et effectivement, si vous dites la mort encéphalique, c'est une définition de la mort, vous allez avoir plein de controverses, plein de troubles du monde, comme dirait Montaigne. Parce qu'en fait, on ne définit pas la mort par la mort encéphalique. Le médecin, quand une personne décède, il la constate et il ne la définit pas. Si bien que la mort encéphalique qui permet le prélèvement d'organes n'est jamais donnée comme une définition de la mort, elle est donnée de manière hypothétique. Si la personne a précisément un cerveau mort, alors le prélèvement est possible. Et l'antécédent, vous voyez la logique, et donc du coup, si on a cet antécédent, si c'est complètement, c'est une définition conditionnelle et relative, relative et contextuelle par rapport à la situation d'une personne dans ce cas-là. Et donc, on ne dit pas la personne est morte de mort encéphalique, mais si précisément le cerveau est en hémorragie massive et c'est fini, eh bien alors prélèvement possible. Mais c'est pas une définition, c'est une présentation dans un antécédent. Pour ça, moi, j'étais très sensible, logiquement, c'est mon premier métier, j'étais très sensible à l'idée de dire qu'un constat n'est pas une définition, que la mort encéphalique, qu'il n'y a pas plusieurs morts, ça c'est délétère de dire qu'il y a la mort cardiaque, la mort encéphalique, etc. Il n'y a pas plusieurs morts, mais à chaque fois, quelles sont les occurrences qui nous font parler de la mort encéphalique? Quelles sont les occurrences qui nous font parler de la mort cardiaque? Quelles sont les occurrences qui vous font dire que telle personne est célibataire et telle personne est non mariée? Est-ce que vous la situez par rapport au mariage ou vous la situez par rapport au célibat? Et tout ça, pour moi, est effectivement, entre Proust et Montaigne, les deux citations que vous avez données, c'est majeur pour, comme dit si bien Wittgenstein, ne pas avoir de crampes mentales. Et les crampes mentales viennent quand vous cherchez à penser l'impossible, vous n'y arrivez pas, dit-il, mais aussi quand vous télescopez, quand vous télescopez. Et quand vous dites que la mort relève d'un constat et non pas d'une définition, est-ce que ça rejoint, alors pour le coup, une autre citation de Leibniz, oui, qui dit « Nous divisons toutes les vérités qui requièrent une justification en deux sortes, les unes dont la preuve peut procéder de façon purement logique, alors que les autres doivent s'appuyer sur des faits d'expérience. » Ah oui, alors effectivement, la grande distinction leibnizienne entre les vérités de raison et les vérités de fait, elle a été très très fructueuse en logique, et qu'effectivement, on a un échelonnement des types de vérités. Les vérités qui ne demandent pas de preuves, les vérités axiomatiques, les vérités qui demandent des preuves, les théorèmes, les vérités a posteriori, qui demandent une science expérimentale, et effectivement, de pouvoir distinguer les types de connaissances avec les types de labellisation de vérité, c'est un premier travail déjà de théorie de la connaissance et qui a bien sûr des répercussions en logique. Alors, puisqu'on en est dans des questions là de vocabulaire, hein, exact. vous dites que le comité consultatif national d'éthique, il est de tradition de dire qu'il remet des avis. Exact. Et vous dites qu'on devrait plutôt appeler ça des devis. Oui. Parce qu'on devise finalement. Exactement, on devise longtemps. On cherche non pas un consensus, mais par les groupes de travail. Moi, j'avais animé 3 groupes de travail. Un groupe de travail, je viens de le dire, sur le don d'organes, un sur l'imagerie par résonance magnétique et un sur la neuroamélioration. Eh bien, au début, vous avez un groupe de travail. Vous savez pas où vous allez. C'est le propre de la recherche, ce que disait Platon. La recherche, si on sait où on va, pourquoi chercher les choses, parce qu'on sait précisément où elles sont, et si on ne sait pas où on va, qui nous dit que ce que l'on obtient, c'était ce qu'on cherchait? Je trouve ce paradoxe magnifique précisément de Platon, et là, moi je l'ai vu exercer par des gens très humbles et très savants, les médecins et les juristes avec lesquels j'ai travaillé au comité d'éthique, où on a un sujet et puis on ne sait pas où on va. Et ça, c'est devisé. Et je retrouvais des choses que dit Montaigne, précisément c'est lui qui fait la distinction entre devis et avis. Il dit « je parle plus par devis que par avis », en donnant à l'avis l'idée d'une assertion close, d'une opinion tranchée. Et donc finalement, moi très souvent on m'a dit « oui, oui, au comité d'éthique, chacun vient avec son opinion et comment vous faites ?» J'ai dit « mais ce n'est pas du tout le cas ». Chacun vient avec un intérêt pour un sujet, et au bout d'une année, parfois les avis mettent une année à sortir, eh bien on arrive à des positions auxquelles on ne pensait pas au départ. Et alors par exemple, l'avis, plutôt le devis que vous avez rendu Oui. Du troisième groupe de travail que vous avez cité sur la neuroamélioration. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il est cette devise ? Qu'est-ce que vous avez conclu provisoirement de vos travaux ? Exactement. Bon, d'abord, effectivement, ce sont, allez, on va dire quand même l'expression consacrée, ce sont des avis consultatifs. Mais c'est pas, dans avis, ça ne veut pas dire que l'opinion est tranchée, c'est-à-dire qu'on a un état des choses, une skepsis, un examen de d'une situation. Et la situation qu'on avait à laquelle on était parvenu après plusieurs auditions avec la neurologue Marie-Germaine Boussert, donc on était les deux rapporteurs de l'avis. Eh bien, c'est faire très très attention aux addictions qui font prendre des smart pills, des pilules élégantes, parce que précisément quand le cerveau est en formation pour les jeunes gens, eh bien, il y a du dégât qui peut être irréversible. Donc ça, c'est on a en fait le rôle du comité d'éthique, c'est de créer une pression sur le législateur à partir de questions scientifiquement étudiées. Et donc aussi de dire, attention, il y a un grand contrôle sur les médicaments, mais il n'y a pas assez de contrôle sur les dispositifs médicaux que vous pouvez acheter sur Internet, etc. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer précisément les formes de contrôle sur les dispositifs médicaux ? Et est-ce que finalement la neuroamélioration, maintenant l'idée s'est banalisée, mais on a rendu notre avis en 2013, est-ce qu'il ne faut pas non plus aussi interroger les choses socialement en disant qu'on va avoir entre guillemets une classe augmentée et des classes appauvries, et est-ce que finalement la vraie amélioration notable, effective, objective, c'est de scolariser tout le monde à travers la terre entière, et est-ce que c'est pas ça le gain en autonomie et en amélioration du genre humain qu'une scolarisation généralisée, plutôt que de penser comme 50% des étudiants de Harvard qu'il faut prendre des pilules pour augmenter ses performances. Et aussi on s'est rendu compte que là, il y a une grande distinction entre le phénomène perçu et le phénomène réel. Les gens qui prennent des choses pour stimuler leur mémoire, pour dormir moins, etc., surévaluent l'effet de la prise de ces pilules, alors qu'il est terriblement fragmentaire et modeste. Et donc, le fossé entre le phénomène perçu et le phénomène réel fait que les gens bombent le torse en pensant prendre des choses qui les améliorent et améliorent leur performance, alors que la réalité... C'est une sorte d'effet placebo inverse. Exact, oui, c'est ça, exactement. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Il y a une phrase, Ali Ben Maclouf, dans un chapitre que vous consacrez à Wittgenstein, hein, oui, qui visiblement vous fascine. Oui, on peut dire ça. C'est un de nos points communs. Il y a une phrase de lui dont j'aimerais que vous la commentiez. Il dit « Mon corps n'a jamais disparu pour réapparaître quelques jours après ». Oui. ça a l'air d'être une sorte de banalité, c'est-à-dire qu'il y a un principe de continuité dans le corps, mais qu'est-ce que vous en déduisez, cette façon de nommer ce qui est évident, de façon à ce que ça fasse réfléchir ? Oui, c'est contre le doute morbide. Je ne peux pas douter de tout. Il y a, dit-il, comme pour les portes, des gonds à partir desquels le doute tourne. Et il y a des propositions, en quelque sorte, qui font la certitude vitale de pouvoir après douter. Et je crois que c'est très très important contre l'idée que du doute morbide que Russell avait déjà dénoncé chez Descartes. On peut pas mettre le doute jusqu'à dire est-ce que ce sont vraiment mes mains, est-ce que c'est vraiment ma tête, est-ce que mon corps ça veut dire que ce sont les toiles de fond de la réflexion. Exactement. Voilà, les propositions qui sont des gonds. On a la même chose chez Ionesco. Ionesco, il dit, mais moi, j'ai pas du tout voulu être un auteur de théâtre. J'ai voulu d'abord apprendre l'anglais par une méthode à 6000. Et puis, finalement, je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire ce que je lis. Le plafond est en haut. Le sol est en bas. Et il a dit, plutôt que de voir la transposition en langue anglaise de ces phrases simples, je me suis dit, si on se met à discuter de choses qui sont évidente, eh bien, ça déstructure tout le reste. C'est-à-dire, si l'évidence n'est plus une évidence, alors effectivement, après, eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il appelle ça la tragédie du langage. La semaine fait 3 jours. Comment Monsieur Smith peut être le mari de Madame Smith et qu'ils habitent le même appartement? Il y a un trouble, etc. Donc après, il a dit après, j'ai fait une déstructuration du langage pour montrer qu'on ne peut pas renoncer aux évidences. Et quand les gens se sont mis à rire de cette tragédie du langage, eh ben je me suis dit tiens, bon ben il y a quelque chose. On va faire des pièces. On va faire exactement, on va faire des pièces. Il y a une autre phrase de Wittgenstein qui sert aussi de toile de fond, de gond pour la pensée, pour parce oui, si la pensée ça. Est une porte, c'est le gond de la porte. C'est le gond à partir duquel le doute peut se faire. C'est un fait étrange, dit-il, tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. Le seul fait de lire cette phrase, ça provoque quelque chose. Oui, alors à son époque, il n'y avait ni scanner, ni IRM, IRM et encore moins... ni comité d'éthique. IRM fonctionnel, ni comité d'éthique, mais déjà quand même ces outils médicaux majeurs. Alors, on n'a plus maintenant cette expérience de pensée d'ouvrir le cerveau est un petit peu obsolète en quelque sorte, mais oui, il a fait plein d'expériences de pensée qui aident à réfléchir, parce que quand vous vous mettez dans ce type d'expérience, après ce sont les effets qui sont intéressants à analyser. Est-ce que ça vous dirait d'écouter un peu de musique, à volontiers. Ali Ben Makhlouf, je sais que vous avez une passion pour Nina Simone. Exact. Nous allons écouter In the Morning. Oh yes. In the morning, when the moon is at its rest, you will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, ice cream, cold nights in the morning. Can't you imagine it? It's the morning of my life, yeah. In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sands, in a world nobody understands. In the morning, 'tis the morning of my life, 'tis the morning. Morning, and you've still to live your day. In the evening, I will fly you to the moon, to the top right-hand corner of the ceiling in my room, and there we'll stay till the sun shines another day. Lay on clotheslines, and I'll be yawning. Morning of my life, morning of my Ali Ben Makhlouf, oui. Nina Simone, In the Morning, écoutez, moi je suis, comme beaucoup de gens, absolument, admiratif de ses performances, on va dire. Elle a eu une vie terrible, le diplôme qui devait lui être remis, le concours qu'elle a réussi, on ne lui a pas remis parce qu'elle était noire. Elle voulait être pianiste, elle s'est retrouvée chanteuse, comme Ionesco, qui voulait apprendre l'anglais, s'est retrouvée... Mais c'est une heureuse bifurcation. Oui, mais bon, quand même, elle a gardé une blessure ouverte, et sur son lit de mort, on lui a apporté le diplôme qu'elle devait avoir à 20 ans, c'est quand même une tragédie. Et l'autre tragédie aussi, c'est que elle est morte quasiment dans la misère, et alors que ses disques se vendaient par millions, parce que elle avait vendu ses droits de manière forfaitaire. À chaque fois, elle avait un forfait sur un titre, et le forfait, il était consommé assez vite, et elle n'avait pas un pourcentage sur ses. Donc, la pauvre, elle a été complètement massacrée. Tout le monde l'entendait partout, et elle a été obligée de se produire sur scène pour pouvoir vivre. Et au Maroc, elle était venue. Bon, je suis d'origine marocaine. Elle était venue au Maroc, elle a été voir, c'est une anecdote incroyable, elle a été voir un banquier en lui disant « prêtez-moi de l'argent ». Il lui dit « Madame, d'accord, mais quelles sont vos garanties ?» Elle lui dit « Mais enfin, je suis Nina Simone, ça ne marche pas devant un banquier ». Continuons notre conversation, Ali Ben Makhlouf. Vous avez des pages que j'ai trouvées très éclairantes sur l'ambiguïté de ce que nous voulons dire lorsque nous commençons une phrase par « parce que ». Ah oui. La différence entre la cause et la raison. Ah oui, c'est une différence majeure que Frege, Russell, Wittgenstein ont... Tous les grands logiciens. Ah oui, tous les grands logiciens du début du XXe siècle ont mis en avant. En gros, effectivement, on dit « il pleut parce que les nuages sont sombres ». Je me suis arrêté au stop parce qu'il y avait l'indication de stop. Mais c'est pas du tout le même parce que. C'est-à-dire que dans le premier cas, c'est une cause physique. Le nuage cause pluie. Nuage cause pluie. Ça, c'est véritablement la causalité suppose un élément physique. Et une dépendance logique. Une dépendance véritablement expérimentale. Alors que s'arrêter au stop, c'est totalement logique. C'est-à-dire, ça peut être autrement. Ça peut être, je peux m'arrêter au stop comme ne pas m'arrêter. Et la dualité de l'affirmation et de la négation fait que je présente des raisons. Il y a toutes les raisons sont importantes pour que je m'arrête, etc. Et si le stop agissait sur moi comme le nuage qui produit la pluie, eh bien, il n'y aurait pas d'accident de voiture, tout le monde s'arrêterait au stop. Je comprends bien, j'ai de bonnes raisons de m'arrêter au stop, oui. Mais ça n'est pas le stop qui est la cause de mon arrêt. Exactement. Voilà. Et le nuage n'est pas une raison pour laquelle il pleut, mais c'est une cause. Mais je pourrais dire c'est un policier qui m'arrête si je grille le stop? Ah ben oui, et dans ce cas-là, quelles sont vos raisons? Le frein à lâcher, etc. Mais c'est véritablement... Enfin, et aujourd'hui, cette question de la causalité et des raisons est majeure. On le voit très très bien dans les problèmes de présomption de causalité. C'est encore un autre problème, la distinction entre les causalités réelles et les présomptions de causalité. Vous savez, dans la vaccination, il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, ben, je me suis fait vacciner de telle chose et puis après j'ai eu telle maladie. » C'est une pure corrélation et pas du tout statistique, totalement insignifiante au sens statistique. Et le grand problème, c'est que ça sème le doute sur la vaccination, par exemple. Et du coup, ce doute a fait que même l'État a douté dans les années 98 et 19 pour arrêter complètement la vaccination contre l'hépatite B. Et donc là, il y a véritablement un vrai problème de méthodologie scientifique entre la présomption de causalité et la causalité réelle. Aucune étude n'a montré que la vaccination contre l'hépatite B donnait une sclérose en plaques. Mais est-ce que ça vient pas du fait qu'à chaque fois qu'on voit se déployer temporellement une séquence d'événements, on la lit comme une conséquence? C'est ce que les juristes disent quand ils ont donné dans 3 cas avantage aux patients. Ils ont pour eux une proximité temporelle vaut causalité parce que on est toujours au bénéfice du patient. Et donc, une fois l'État a été condamné, une fois l'armée a été condamnée pour un vaccin contre la fièvre jaune, une fois l'État et une fois l'industrie Sanofi du médicament. Et donc, à chaque fois, le juriste dit d'accord, les scientifiques disent que il n'y a pas de causalité réelle entre la vaccination et l'apparition d'une maladie, mais nous, c'est la présomption. On a une causalité juridique qui repose sur la présomption de causalité, et on attend que les scientifiques fassent la preuve de l'absence de risque. Mais ça, c'est pas possible. Voilà, vous qui êtes justement scientifique, vous savez très très bien cela. On peut pas faire, la preuve de l'absence de risque. Enfin, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Exactement, exactement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre risque, enfin un autre problème, disons, c'est la rapidité avec laquelle nous interprétons les corrélations constatées comme des causalités. Oui. Ça pourrait nous conduire à faire dire que dès lors qu'il y a des grenouilles après la pluie, c'est la preuve qu'il n'a plus les grenouilles. Si on va trop loin. Ou bien qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, comme disait Coluche, parce qu'on y meurt 10 fois plus que chez soi. Oui, effectivement. Est-ce que c'est relié à cette ambiguïté du parce que? Ou c'est autre chose? Non, je pense que franchement, la distinction entre les causes et les raisons dont j'ai parlé d'abord, c'est autre chose que la question des corrélations, parce qu'elle a été établie sur des indications logiques qui ne sont sur la distinction entre le logique et le physique, qui ne recoupe pas complètement la distinction entre le statistique et le non statistique. Mais pourquoi est-ce que vous avez appelé votre livre « La force des raisons » ? Oui, parce que j'ai voulu indiquer que quand on est dans une entreprise, dans une aventure intellectuelle de connaissance, eh bien on a toujours à justifier son propos. La force des raisons, c'est pour dire que on est toujours à devoir donner des raisons de ce que l'on affirme. Et donner des raisons de ce qu'on en affirme, à un certain moment, il faut que les raisons soient fermes et solides autant que possible. Et c'est ça la force des raisons. La force des raisons, c'est une démarche de justification de la connaissance. Et la démarche de justification de la connaissance ne part pas du contenu de la connaissance. Elle part de l'organisation des connaissances, comme ce qu'on vient de faire sur cause et raison, comme ce qu'on vient de faire entre causalité scientifique et statistique, et causalité présumée qui part de cas par cas. Voilà. Et en fait, à chaque fois, c'est de repérer dans la manière qu'a une connaissance de s'affermir, comment elle se justifie. Alors logiquement, c'est la justification, elle est donnée par le choix d'axiomes pour une théorie mathématique. Comment vous justifiez votre sélection d'axiomes? Si vous voulez faire l'axiomatique de Peano, les 5 axiomes de formation de l'ensemble N des entiers naturels, eh bien, il y a une justification. Pourquoi ces 5 axiomes et pas d'autres? Et donc c'est la démarche de justification qui, bien sûr, est une démarche, la démarche reine, j'allais dire, en mathématiques, en logique mathématique, mais aussi dans les ordres de réalité, c'est ce que disait Leibniz. Dans plusieurs ordres de réalité, nous avons à nous demander comment nous parvenons à asseoir notre connaissance. Donc la force des raisons, c'est ça, c'est véritablement la démarche de justification. Est-ce que quand je parle, comme disait Frege, est-ce que quand je parle, mes mots ont une référence quelconque, ou est-ce que je parle comme si j'étais au théâtre, au sens où tout peut être fictionnel? Où est le parler sérieux du parler non sérieux? Ce qui aujourd'hui est très très important avec la question des fake news, par exemple. Mais lui, bien sûr, il ne le pensait pas comme ça. Mais il disait, suis-je, quand je dis Ulysse fut découvert dans un profond sommeil, etc. À quoi je me réfère en disant Ulysse? Est-ce que ça réfère véritablement à quelqu'un? Vous arrivez en justice, vous dites Jacques Dupont a commis le crime. Jacques Dupont existe-t-il? Lequel? À quel moment? Donc il y a un aspect procédural de la connaissance qui tient compte de la référence des expressions, et cette référence est quand même majeure, avec des conséquences administratives, juridiques, politiques majeur. Il appelait ça le parler sérieux. Et ce parler sérieux est de part en part dans la justification, par exemple, là, de la référence. Mais est-ce que c'est la même question que celle qui consiste à se demander si le langage touche ou est en contact avec le réel? Ou est-ce que c'est une autre question? Non, ça c'est... Alors, effectivement, il y a deux choses. Soit on privilégie, comme Frege, la référence, et effectivement, c'est de dire, quand je parle de la Lune, il y a bien quelque chose dans la réalité qui est la Lune, au point qu'il disait que c'était véritablement ce que je vise n'est pas une représentation de la Lune. Ça, c'est pour écarter l'idéalisme. quand je vous parle de la Lune... Je parle d'un objet concret. Je vous parle de la Lune d'Étienne Klein, je parle effectivement d'un objet, oui, concret, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça. Mais en tous les cas, je ne parle pas de mes représentations. Et cela, comme il dit, bon, ben, pour ces choses-là, quand je vous parle d'un arbre, je ne vous parle pas de ma représentation de l'arbre. Ça, c'est le réalisme fort. Et Russell disait, attention, il faut aller aussi loin que possible dans cette distinction, parce que très souvent, pour les nombres, les gens pensent que le nombre 2 et mon idée du nombre 2, c'est la même chose. C'est-à-dire que partout, on dénonce la représentation pour arriver à sortir de l'idéalisme. Alors ça, effectivement, c'est toute la tradition de référence de notre langage. Maintenant, vous pouvez non pas assouplir ce point, mais le discuter par rapport à, pour continuer à vous répondre sur le rapport langage réel, le dire, est-ce que finalement il n'y a pas aussi une part d'assentiment dès lors qu'on se met d'accord pour précisément constituer l'objet duquel on parle. Une forme d'intersubjectivité. On peut dire intersubjectivité. Plutôt qu'objectivité. Objectivité, on n'y renonce pas. Non, c'est l'objectivité est toujours là, parce qu'en fait, c'est simplement une façon de dire que parfois la référence est opaque, où la référence est, la référence n'est pas claire. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Je le disais tout à l'heure pour la traduction, mais c'était encore cet exemple que je vais donner. Vous avez deux géographes ethnologues. L'un est parti découvrir une montagne et finalement il dit j'ai interrogé les gens. Il l'appelle Afla. Et un autre est parti aussi sur un autre flanc de montagne et on lui a dit elle s'appelle à Thèbes. Et puis, ces deux géographes se retrouvent dans un congrès scientifique. Ils se rendent compte par les positions et par la hauteur de cette montagne que, entre guillemets, c'est la même montagne. Mais je dis bien, c'est entre guillemets la même montagne. Parce qu'en réalité, pour les besoins scientifiques et l'univocité du sens est très importante. Mais maintenant, il se trouve que il y a deux villages distincts selon qu'on habite le versant nord ou le versant sud, et on se réfère pas à la montagne de la même façon. Les uns disent que c'est Athèbes et les autres disent que c'est Afla. Est-ce qu'on donne un poids à cette divergence ou est-ce qu'on la supprime? Alors, pour les commodités scientifiques, on va dire on va la mettre en veilleuse, mais ça veut pas dire que finalement, Athèbes et Afla, c'est de la synonymie. Je reviens à l'échec de la synonymie. Il faut garder une importance à la diversité linguistique. Et de ce point de vue-là, vous voyez bien que quand même l'assentiment prend le dessus sur la référence, parce que l'assentiment, c'est comment les gens se déterminent pour se rapporter à et qui n'est pas une référence objective, la même. Identique pour tous, mais objectif, oui. Alors, cette histoire d'une même montagne qui porte deux noms différents me rappelle une histoire qui s'appelle en physique des particules la révolution de novembre. D'accord. Elle s'est passée en 1974. Oui. On a découvert une nouvelle particule sur la côte est des États-Unis. On l'a appelée le J, la particule J. Et puis, à peu près au même moment, on a découvert une autre particule sur la côte est et on l'a appelée la particule Psi. Et puis, à l'issue d'un colloque, c'est la même histoire que vos géographes, on s'est rendu compte que c'était la même particule. Voilà. Qui s'appelle aujourd'hui le gypsy. Ah ben voilà. Ah oui, c'est vrai. Ben, une vision intégrative, pourquoi pas. On ne veut froisser personne. Et on respecte les deux. Mais vous voyez, quand vous traduisez le langage des gens qui disent Athèbes dans le langage des gens qui disent Afla, quand vous traduisez, vous comprenez ce qu'on veut dire. Mais ça ne veut pas dire que vous signifiez la même chose. Et cette idée de l'identité de signification, elle peut complètement masquer le type de fonctionnement du langage. Et c'est pour ça que je consacre beaucoup de passages à l'échec de la synonymie et à l'importance de la traduction, parce que ça fait partie de la force des raisons. Et en fait, tout mon propos, pour reprendre la question que vous m'avez posée, pourquoi l'avoir appelé la force des raisons, c'est de dénoncer dans les relations sémantiques que sont la désignation, que sont la signification, que sont aussi l'énumération, dénoncer les impositions, les étiquetages de choses qui ne sont pas justifiées. Pour moi, la désignation, c'est un paradigme hyper généralisé. On pense que nommer les choses, c'est important. Et je conteste l'idée de la dénomination ou de la désignation, parce que c'est un fonctionnement hyper primitif du langage. Oui, c'est l'idée qu'il y aurait une bijection entre les choses et les mots. Et voilà, et ça va pas du tout, parce qu'en réalité, on parle en contexte, on parle selon les occurrences, on signifie diversement, on traduit diversement, et pour pouvoir rendre compte de la complexité de ce fonctionnement linguistique, il est important de sortir du paradigme de la désignation. Sans compter que le sens d'un mot peut dépendre de la phrase dans laquelle on l'insère. Et complètement, et ça ne veut pas dire qu'il va varier, ça veut dire qu'il dépend du contexte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le sens d'un mot dépend d'un contexte que ce sens va varier de contexte en contexte. Et je crois que c'est très très important, la dépendance à l'égard d'un contexte ne signifie pas que n'importe quel sens arbitraire peut être associé à ce mot. Comme dit si bien Wittgenstein, tenant compte des usages. Et les usages, ça veut dire quoi? Ça veut dire des récurrences qui sont en quelque sorte stabilisées. Et ces récurrences stabilisées, c'est ça finalement qui fait la signification. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été formé à la philosophie de la logique. Oui. Est-ce que vous avez une définition de la logique? Est-ce qu'on pourrait par exemple dire que la logique vise à éliminer les paradoxes, ou à les dissoudre, oui, ou à les écarter? Ben, disons qu'il y a eu plusieurs définitions de la logique, mais je vais en garder deux. Est-ce que c'est une méthodologie générale pour la connaissance, ou est-ce que c'est une science des inférences? Moi, je suis de ceux qui la portent véritablement du côté des inférences, c'est-à-dire qu'est-ce qui est toujours impliqué. Quelles sont les relations d'un antécédent inconséquent? Qu'est-ce qui fait qu'une proposition devient un schéma de preuve? Je vous cite un exemple. Ceci est rouge. Ben, il y a déjà un immense raisonnement dedans et une immense inférence. Si ceci est rouge, ben ceci n'est pas vert. Et donc, ceci est rouge, ça semble être une proposition indépendante qui siège tranquillement dans son petit coin, si je puis dire. Eh bien, vous vous rendez compte qu'à travers ceci est rouge, vous dérivez que ceci n'est pas vert, que vous dérivez, déjà, vous faites déjà de la dérivation. Et en fait, la science, la logique, c'est la science de la dérivation, la science de l'inférence. En plus, vous supposez que la couleur est portée par l'objet. Alors oui, c'est votre regard qui voit la chose rouge. Non, mais je prenais la proposition atomique, je la prenais pas dans sa décomposition. Je prenais la proposition sans l'analyser dans son propre contenu, mais formellement par rapport à une autre proposition. Si A est rouge, A n'est pas vert, et on ne cesse de faire des inférences. Et pour moi, vraiment, la logique, si j'avais à dire une chose, c'est la science des inférences. Oui. Et quel statut vous donnez par exemple, au paradoxe du menteur qui a été énoncé, je crois, par Eubulide, oui, au VIe siècle après Jésus-Christ? Il y a plusieurs variantes. Ce qui est intéressant, c'est que ce paradoxe a été commenté par Montaigne. Exact. Qui dit, voilà, on est embourbé. Exactement. Alors, je rappelle brièvement le paradoxe. On demande à un menteur s'il ment, alors même qu'il est en train de mentir. Si le menteur répond, oui, je mens, alors de toute évidence, il ne ment pas, car si un menteur affirme qu'il ment, c'est qu'il dit la vérité. S'il répond non, je ne mens pas, alors c'est qu'il ment, puisqu'il est précisément en train de mentir. Donc toute réponse qu'on donne, c'est vrai, est une contradiction. Exact. Et quel statut ça a dans l'histoire des idées? C'est majeur, parce que c'est ce que disait justement, partons de Montaigne par exemple. Il disait, vous pensez vous référez si facilement aux choses. Attention, la référence n'est pas simple. Vous dites il pleut, et effectivement il pleut, c'est extraordinaire, vous avez une correspondance entre votre proposition et la factualité. Maintenant vous dites je mens, ou il ment. À quoi ça correspond? Tout de suite, c'est là où il utilise l'expression embourbé, exactement. Et en fait, après, il y a la solution ensembliste de Russell qui est intéressante quand il reprend cela. Il faut distinguer. Le langage ne peut pas embrasser trop de choses. En fait, c'est ça l'idée. Quand je dis je mens, je peux pas embrasser trop de choses, parce que embrasser trop de choses, ça veut dire que je suis complètement dans que l'autoréférence, le langage peut l'accepter si facilement. Le langage n'accepte pas si facilement l'autoréférence. Je précise un peu plus. Vous dites, l'ensemble des tasses de thé n'est pas une tasse de thé. Donc, si je me mets dans une logique ensembliste, je prends une propriété, soit un ensemble qui ne s'appartient pas. C'est une propriété après tout. Parce que, effectivement, l'ensemble des tasses de thé n'est pas une tasse de thé. Donc c'est une propriété. Sauf que c'est une propriété trop large. Et c'est là que le paradoxe naît. Le paradoxe naît quand on embrasse trop de choses. Parce que si je prends la propriété, ceci ne s'appartient pas. A ne s'appartient pas. A n'appartient pas à A. Et je demande, maintenant, est-ce que ça rentre ou pas dans cette propriété? Parce que pour toute propriété, je suis en droit de dire, est-ce que l'ensemble des tasses de thé est une tasse de thé? L'ensemble des étudiants est un étudiant? Non? Bon, etc. Alors maintenant, est-ce que cet ensemble, A n'appartient pas à A, est-ce qu'il s'appartient? Si A appartient à A, il doit vérifier la propriété A n'appartient pas à A. Et si A n'appartient pas à A, il vérifie la propriété A appartient à A. Donc il y a un paradoxe dans la théorie des ensembles. Il y a un paradoxe parce qu'on a pris des totalités trop grandes. Et c'est comme ça que la théorie des ensembles va spécifier. À chaque fois, vous allez dire, tel ensemble, c'est lié à telle propriété définie. Et cette propriété définie et limitée n'est pas une totalité énorme. En gros, pour être simple, parce que c'est des choses techniques, vous ne pouvez pas embrasser dans vos discours des totalités incontrôlées. Et la totalité, l'ensemble des choses qui ne s'appartiennent pas, c'est trop vaste. Et c'est à partir de là que vous naissez. Est-ce que j'ai le droit de dire que ce paradoxe de Russell, qui date du début du XXe siècle, c'est ça, a conduit 1902. Indirectement au théorème de Gödel sur l'indécidabilité? Avec l'idée que... Non, c'est pas du tout du même ordre. Non, c'est pas du tout du même ordre. Parce qu'après Gödel, c'est la distinction entre le vrai et le démontrable. Et là, c'est la distinction, non pas entre le vrai et le démontrable, mais c'est la distinction véritablement entre l'univers du discours et les niveaux de discours. Parce que finalement, je mens, c'est une proposition rapportée à des propositions qui ne sont pas comprises dans la proposition « je mens ». Il faut distinguer entre la proposition « je mens » qui est de niveau N et qui va se rapporter à des propositions de niveau N-1, parce que si je mens, c'est parce que je dis une proposition qui est fausse. Et cette proposition qui est fausse n'est pas du même ordre que la proposition « je mens », tout simplement. C'est-à-dire que la proposition « je mens » doit être décomposée en proposition qui parle du mensonge et en proposition de ce sur quoi porte le mensonge. Et c'est ce qu'on appelle la théorie des types. Il y a des niveaux propositionnels. Je le disais tout à l'heure en disant, attention, ne faisons pas de la proposition une totalité. De même, par exemple, toutes les propositions sont ouvrées ou fausses. Oui, mais la proposition qui dit toutes les propositions sont ouvrées ou fausses, est-elle vraie ou fausse? Voilà, ça va pas. On revient au gond. On revient aux certitudes qu'on disait tout à l'heure. Il y a un certain nombre de limites que vous vous imposez pour pouvoir être dans un régime de discursivité qui ne vous bloque pas à chaque pas. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Est-ce que les mathématiciens découvrent ou inventent? Question classique, mais j'aimerais avoir vrai. Votre réponse personnelle. À ma réponse personnelle, j'ai longtemps pensé qu'ils découvraient et je pense maintenant qu'en fait, c'est peut-être une distinction pas si opératoire. Découvrir et construire. Je vous donne juste un exemple. Vous dites l'instanciation. Vous dites soit le segment de droite AB. Eh ben c'est à partir de ce segment de droite que vous allez faire par exemple la démonstration euclidienne de construire un triangle équilatéral. Vous partez à partir d'un segment et vous le faites tourner sur une de ses extrémités deux fois et vous obtenez deux cercles dans lesquels vous enchâssez deux triangles équilatéraux. Eh bien on appelle ça l'ecthèse. Partir d'un cas particulier et puis démontrer. Oui, mais donc on peut dire que c'est de la construction. Je construis à partir du segment. Oui, mais en même temps, j'utilise des propositions universelles, axiomatiques pour pouvoir démontrer le principe des identités. Je peux toujours substituer une proposition à une autre, salva veritate, la vérité étant sauve, ou un terme à un autre, donc le principe de la substituabilité. Et ce principe-là, est-ce que vous le construisez ou est-ce que vous le découvrez? Donc en fait, ça mêle toujours de la construction et de la découverte. De la découverte, au sens où vous avez des propositions universelles qui sont souvent des points de départ que vous n'avez pas construites, et comme le principe d'identité, et des propositions d'instanciation ou de construction qui vont venir conduire un peu la démonstration. Donc je pense que, mais cela dit, effectivement, il y a un grand débat sur est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on découvre. Alors, je vous propose qu'on quitte un peu cette question et la logique, oui. Et qu'on revienne au langage et puis peut-être aussi à la médecine. Oui. Vous l'avez dit, vous êtes marocain, oui. Franco-marocain, je ne sais pas. Oui, si les deux, avez, exact. Et j'imagine donc que vous avez suivi avec attention les manifestations du printemps 2011. Ouh là là, oui, on parle là sur autre chose. Oui, non, oui. Mais ça rejoint la question du langage, parce que les oui. manifestants, certains d'entre eux, en tout cas, disaient « Je suis un sujet, mais je veux être un verbe aussi ». Oui. C'est une phrase énigmatique. C'est vrai. Est-ce qu'elle a un sens? Alors, je cite cet exemple. Parce que d'avoir le malade aussi, c'est une phrase que peuvent dire les malades, par exemple. Oui, alors je cite cet exemple pour dire que en dehors des phrases grammaticales et des propositions logiques qu'on a analysées depuis tout à l'heure, en dehors des phrases grammaticales et des propositions logiques, il y a ce que Michel Foucault appelle des énoncés. Et les énoncés ont, ça peut être par exemple là, une position sociale, mais qui peut émaner des individus. Et ce n'est pas parce qu'elle émane d'un individu que c'est une position individuelle. Ce sont des positions sociales qu'on a dans des pancartes, dans des manifestations. Et je suis un sujet, je veux être un verbe aussi. D'inscrire une forme d'activité dans ce que je dis, ça veut dire qu'en fait, ne m'emprisonnez pas dans une proposition, dans une position même de moi sujet, mettez-moi dans l'interaction. Et mettez-moi dans l'interaction, effectivement, à un certain moment, je précise, puisque vous faites le lien avec le patient, que la relation qui a longtemps prévalu, où on appelle ça le colloque singulier, où le médecin arrive ça avec sa position de conscience professionnelle et le malade avec sa position de confiance. C'est une conscience face à une confiance. Eh bien, moi, je conteste complètement cela parce que je trouve que c'est un solipsisme, un enfermement complet. Il n'y a pas d'interaction. L'interaction, c'est quoi? C'est que, précisément, entendre le patient à partir, non pas de sa conscience, mais de sa compétence et tenir compte des possibles malobservances, qu'on appelle la malobservance. Va-t-il prendre ses médicaments? Va-t-il revenir à va-t-il approfondir le diagnostic en faisant une radio, va-t-il, etc. Et quand on se met dans ces alternatives, oui ou non va-t-il le faire, on est dans des demandes d'action au-delà des positions des personnes, des demandes d'action. Et quand la proposition « je suis un sujet mais je veux être un verbe aussi », c'est une demande d'action. Et les demandes d'action ne se formule que dans des alternatives. Vais-je aller faire une radio ou ne vais-je pas aller faire une radio? Vais-je déposer une matinée de congé ou pas? Vais-je laisser faire les choses ou vais-je me soigner? Et toutes ces alternatives-là vous mettent dans des formes d'interaction institutionnelle au-delà du face-à-face médecin-patient, parce que ce face-à-face médecin-patient est un peu inerte, si vous voulez, pas parlant. Mais vous citez Didier Sicard, qui a été, je crois, le président du comité d'éthique, exact, il y a quelques années, et vous le citez lorsqu'il dit ceci: la parole du malade devient extrêmement coûteuse et par conséquent son coût l'exclut de la relation. Oui. Un malade, pour être un bon malade, un vrai malade, un malade citoyen, un malade républicain, doit mobiliser avant tout une expertise technique plutôt qu'une écoute. Oui. Les appareils doivent tourner, être remplacés. La numérisation du corps humain impose ses normes nouvelles et il faut qu'un corps soit peu à peu numérisé pour être traité. En revanche, toutes les situations de précarité, d'usage de drogue, d'alcool, de handicap mental de l'enfant ou de l'adulte, face auquel l'hôpital se trouve très mal à l'aise, sont nécessairement rejetés sur les structures caritatives. Exact. Caritatives, pardon. Voilà. Ben c'est très clair, c'est-à-dire que le déficit relationnel dans la situation de médecin-patient, il est expliqué par le fait que tous les auxiliaires et les outils, au lieu d'être des outils qui viennent comme adjuvants de la relation, efface la relation. Ce n'est pas parce qu'on passe un scanner ou une imagerie par résonance magnétique que du coup, eh bien, il n'y a plus de que le diagnostic est déjà fait. Le diagnostic n'est jamais complètement fait. Et le diagnostic, c'est la rencontre précisément avec le médecin. Imaginez les personnes qui arrivent, qui font partie d'une recherche médicale et à qui on découvre une anomalie soit difficilement interprétable, soit un début de sclérose en plaques, etc. Est-ce qu'il suffit simplement de faire la radio la radiologie? Certainement pas. La radiographie, pardon, certainement pas. Il faut précisément après recevoir la personne qui n'est pas un patient, qui est venu pour participer à une recherche. Elle est asymptomatique et on lui découvre quelque chose. Donc il y a toute une modalité du dire et du relationnel qui redevient importante et pour après parler de ce qui a été découvert par l'outil. Je pense que quand on nous dit maintenant que les métiers de radiologue vont être complètement robotisés, etc., je dis toujours, oui, mais le diagnostic l'annonçait. Certaines tâches peuvent être totalement robotisées, mais le cœur du métier, certainement pas. Le cœur du métier, certainement pas. Et ce cœur du métier, qui est fait, comme dit Didier Sicard, de la relation, il y avait aussi un psychiatre qui avait beaucoup insisté sur cette relation. C'était Édouard Zarifian. Édouard Zarifian avait beaucoup aussi insisté sur l'aspect relationnel qui, s'il est en déficit, alors effectivement, il y a quelque chose de véritablement perdu dans l'activité de soi. Dans l'activité J'ai une de dernière soi. Question, Achmed oui. Maclouf. J'ai découvert qu'on avait le même âge à quelques mois près. Voilà. Alors est-ce que la vieillesse, qui augmente avec l'âge, par définition, est une maladie? Certainement pas. Certainement mais pas. Mais on a tendance à la considérer comme ça, parce qu'on devient plus fragile. Vous savez, Proust disait, la vieillesse, de toutes les réalités humaines, la vieillesse est celle avec laquelle on entretient le rapport le plus abstrait. C'est-à-dire qu'on se voit jamais vieux et on pense jamais que demain je serai vieux. C'est, au sens d'une pensée concrète. La vieillesse, c'est une réalité abstraite. Je crois que c'est un enjeu très très important pour beaucoup de gens. Ils ont fait des statistiques, des interrogations à l'hôpital Cochin avec des personnes au-delà de 90 ans, leur disant « Que pensez-vous faire de votre livret A ?» Ah ben c'est pour les moments difficiles, mais ils ont plus de 90 ans. Donc vous voyez, donc on a véritablement un rapport abstrait à notre vieillesse. Et donc ce n'est certainement pas une maladie, mais il est vrai que du fait que plusieurs handicaps de la vieillesse, que du fait qu'on vieillisse, eh bien effectivement, il y a plus de désordre dans les cellules. C'est vrai que les cancers se déclarent statistiquement plus quand on est âgé, oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs de comorbidité qui arrivent à partir d'un certain âge. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que la vieillesse est une maladie, d'autant plus que l'âge est une grande abstraction, comme le dit si bien. Ça sera le mot de la fin, parce que j'adore cette formule. Merci Aline Ben Maclouf d'être venue à cette émission. Merci grâce à vous, je crois que nous avons compris ce que Montaigne veut dire lorsqu'il dit que nos plaintes sont grammairiennes et voyelles. Merci. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Philippe Mercher et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.